L'atelier de Vélocité 15. Raconté par Zébul. Vélocité, en fait, c'est une association de défense des usagers de la bicyclette, le vélo utilitaire, en ville. On l'a créé sur Aurillac et Arpajon. Et donc, on a trois aspects dans nos activités. De travailler avec la mairie sur les aménagements et les projets, d'organiser des événements tels que la fête du vélo, la foire bio et autres. Et puis, la troisième activité, c'est faire vivre un atelier où on est plus proche de l'utilisateur, des cyclistes. Et le but, c'est qu'il y ait le plus de vélos possible en ville. Donc, on facilite l'achat et la réparation de vélos. L'association a été créée en 2009 et il s'est vite posé la question de créer un atelier vélo. Seulement, nous n'avions pas de local, la mairie n'en avait pas à notre disposition. Et c'est grâce à Florent que j'ai rencontré un jour où nous faisions une ceinture de béton et qui m'a dit « Devine, j'ai acheté un petit immeuble dans la rue Coffignal. » Je dis « Mais génial, et que fais-tu du rez-de-chaussée ?» Mais il me dit « Bah rien pour l'instant. » « Ah bah ça tombe bien, on va y faire l'atelier vélo. » Et on a attaqué donc en début d'année 2011 l'atelier vélo dans un tout petit local, un petit restaurant de quartier minuscule. En fait, on pensait quand même qu'il serait assez grand, mais il a été très très vite rempli. En l'espace de 2 ans, on avait plus de 50 vélos dans cette petite pièce. On a déménagé en 2013 et parce que à force de négociations avec la mairie, nous avons réussi à avoir le local de la rue Vermenouze, l'ancien restaurant cambodgien. Et là, c'était beaucoup plus grand et on s'y est installé rapidement. On a eu pas loin d'une centaine de vélos, maintenant on en a même 120. L'atelier vélo est ouvert deux après-midi par mois. Depuis, et il a un succès croissant, impressionnant. Clé mixte, clé à pipe, pince multiprise, clé à griffe, clé à molette, gros modèle, clé à molette, petit modèle, boîte de douille. Arrache manivelle, démonte roue libre, démonte cassette, clé à rayon, gros marteau, petit marteau, mèche dépareillée, perceuse, visseuse, disqueuse, chasse goupille, tournevis cruciforme, tournevis plat, gros, moyen, petit, dérive chaîne, fouet à chaîne, burin, pied à coulisse, pince monseigneur, clé à coude, clé à laine, cipan, clé à laine torx, scie à métaux, pointeau, étau, établi, pied d'atelier bleu, pied d'atelier rouge. Dans les outils, nous avons un ensemble particulier qui s'appelle la caisse à Momo. La caisse à Momo est une caisse, petite caisse à outils rouge que Momo emporte sur le trottoir dans lequel il jette les outils, les pièces détachées, les vis, les trucs cassés, tout rentre dans cette caisse à Momo. Et généralement, il ne ressort pas de cette caisse les outils qui devraient revenir sur le tableau. Donc, quand on cherche quelque chose, on va voir dans la caisse à Momo. Elle est petite, mais il y a absolument tout dedans. Les rustines, le tube de dissolution, les clés dépareillées, tout y est. Alors les bénévoles qui font vivre l'atelier, alors il y a ceux qui sont très réguliers, comme Philippe, qui vient, qui est sérieux, qui avait l'habitude de travailler dans des ateliers, donc qui est très ordonné, qui donne un petit coup de balai à la fin de son travail. Il y a ceux qui mettent de l'ambiance, comme Momo, qui lui refuse de travailler dans l'atelier, qui travaille sur le trottoir, qui neige, qui vente, qui fasse n'importe quel temps, qui ait des camions, c'est pareil, il est sur le trottoir. Il ne veut pas utiliser les pieds de vélo, il veut toujours être à l'envers, mettre le vélo à l'envers. Voilà, il y a ceux qui passent, mais qui demandent ce qu'il faut faire. Voilà, donc qui ont moins d'initiative ou qui veulent juste donner un petit coup de main sans trop s'engager. Il y a ceux qui passent en famille, avec la gamine qui joue à la trottinette pendant que le père est en train de réparer. Et c'est assez rigolo comme ça fonctionne bien. Voilà, puis chacun a ses petites spécialités, le dévoilage, le démontage des pédaliers, ceux qui connaissent plutôt les vélos actuels, ceux qui connaissent plutôt les anciens modèles, années 50. Il y a ceux qui sont pointus sur les marques, quand on parle de Joël, qui à 100 mètres peut reconnaître le type de dérailleur, ou s'il est d'origine ou pas sur le vélo. Puis il y a d'autres, il y en a d'autres comme Momo ou moi, on répare, si c'est pas le même modèle de dérailleur, c'est pas très grave, du moment que ça fonctionne, c'est essentiel. Ce qui arrive assez couramment, c'est qu'après une période calme en milieu de demi-journée, quelqu'un arrive, il est 6h moins le quart, et il a juste un pneu à regonfler ou un câble de frein à retendre. Et là, on s'aperçoit que c'est l'arbre qui cache la forêt. On essaye de retendre le câble, on s'aperçoit qu'il est pourri, que les patins de frein sont morts, qu'il n'a plus de frein à l'arrière, que la roue avant est voilée, qu'une pédale ne fonctionne plus. On essaye de démonter la pédale, le pas de vis est cassé. Et voilà, il est 6h, 6h15, on est toujours à s'arracher les cheveux sur ce vélo où il faut tout refaire. Il est même arrivé une fois où j'ai dit, bon écoute, je t'en donne un autre parce que là, il y a trop de choses à faire sur ce vélo. L'atelier de Vélocité 15. Un travail réalisé par Mathieu Albespi, sous la direction de Thomas Charmetan, lors d'un stage autour de la création radiophonique, organisé par Peuple et Culture Cantal.